Bonjour tout le monde. Bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir. On a eu des petits problèmes avec Flash, comme d'habitude. On déteste encore plus Adobe que d'habitude. Bienvenue à ce show de questions-réponses où on espère que vous avez des questions et on espère surtout avoir les réponses. Est-ce que vous nous entendez? Nous entendez-vous tous? Ouais. Ouais, c'est plus la question. Est-ce que vous entendez tous? OK. Yeah. Excellent. Bon, à vous. Good. Donc, avec moi, pour bien être sûr que quelqu'un ait la question, on a juste en haut de moi Jean-François Roy. Ça va bien, Jean-François? Oui, très bien, toi? Oui, merci. Je ne vais pas te poser la même question pendant le podcast, si t'es bien remis. On est fatigué, on a fait l'événement hier, on est crevé, vanné, vidé. Il y a quand même Bernard Ouellet qui est avec nous, qui lui est calme, frais, dispo. Tout est bien. Son micro fonctionne. J'ai pas eu le stress de faire du podcast hier, mais par contre, on a fait des tests pour un broadcast. Téléphone, voice over IP, salle de classe, tout en un aujourd'hui. Oh! C'était quelque chose. OK. Puis que le son du téléphone soit dans la salle de classe. Puis tout ça, pas de retour de son dans rien. Puis ça a marché. Ça a marché. Bon. Excellent. On a aussi dans le noir Vincent Meller. Oui. Vincent, arrête de faire des trucs bizarres. Oui, bonjour. Je parlais avec quelqu'un. Ah, OK. C'est pour ça. Ma soeur. Mais oui, je suis là, frais et dispo. Je suis quand même... tantôt, vous disiez qu'on n'était pas en forme, mais je me suis bien réveillé. Moi, j'ai bien dormi. Ouais, ben, nous autres, toi, tu travailles pas. Nous autres, on travaille. Moi, je travaille. Nous autres, on est vieux, d'abord. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, il y en a un de vous qui va prendre la responsabilité d'afficher les questions à l'écran parce que, bon, évidemment... En fait, la nouvelle plateforme fonctionne de cette façon-ci. C'est que dans le chat qui est en dessous ici, vous devriez avoir un bouton « Enter » et un bouton « Ask a question ». En fait, c'est « Comment » et « Our question » juste en bas des webcams. Vous voyez des logos, puis vous avez un... Ouais. Proche du chat, là, vous allez voir... bon, voilà. Puis là, nous, on a... OK, glisser la question. Comme ça. Voilà. On voit ton test, Dean. Non, en fait, on voit la question que Jean-François vient de mettre en ligne. Ouais. Est-ce que le problème de taches noires est très répandu? Je suis en processus d'achat d'un iMac, soit le 2011 ou le 2012. Je ne sais pas exactement de quel problème de tache noire... Moi non plus, j'ai cherché tantôt pendant qu'on faisait le podcast, puis j'ai pas vu ça nulle part, là, des taches noires. Je sais qu'il y avait eu un moment donné, je pense, ça fait une couple d'années, qu'il y avait des problèmes de taches jaunes sur les écrans. Ouais. Bien souvent, c'était dû à de la colle ou bien certains écrans de LG aussi qui ont eu des problèmes, mais ça date de très, très longtemps. Ouais. Des problèmes récents, j'en ai pas connu. Il y a Dean, en fait, qui donne un lien vers le forum dans le chat à propos de ça, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui n'est pas très répandu. Et de toute façon, le service à la clientèle de Apple, quand vous achetez un ordinateur neuf, ils ont tendance à pas vouloir vous laisser avec un ordinateur qui a une problématique. Et ils vont rapidement, en fait, prendre la machine puis probablement vous l'échanger. C'est sûr que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est zélé là-bas puis qui décide que c'est un problème, il appelle ça esthétique. Mais la machine, surtout pour un 27 pouces, peut être utilisée par un graphiste. Donc, vous faites jouer ça un peu. Et puis, habituellement, si vous avez ce type de problème-là qui survient, ben ils vont vous l'échanger au Apple Store. Ce que Dean a mis sur le chat, c'est quelque chose, c'est un message qui date de 2010. Donc, c'est assez loin, disons, pour... Pour l'anecdote, en fait, 2010, c'est l'année où est-ce que les 27 pouces sont sortis. Exact. Et je pense les cinq premiers ordinateurs, en tout cas, j'exagère peut-être un peu, là, mais nous, on a sorti un 27 pouces dès qu'on l'a reçu pour le mettre en démo. Et l'écran avait, à un endroit très, très précis, un coup. Et c'est la conception de la boîte, je crois, qui faisait ça. Mais il avait reçu un coup dans l'écran, puis il y avait vraiment un morceau de verre qui avait éclaté. L'écran, il y a un technicien qui s'était acheté un 27 pouces à ce moment-là. Et il avait aussi eu ce problème-là d'écran. Et Apple s'est empressé de le changer. En fait, c'est pas difficile. Deux sus à GPS, t'enlèves l'écran, puis tu remets une autre fenêtre par-dessus, et voilà. Faut que tu t'assures que ce soit propre chez toi, par exemple. Oui, ouais. Ben même au Apple Store, quand qu'ils rouvrent un iMac, là, ils s'en vont en arrière, puis il y a une salle fermée qui n'a pas aucune poussière dans la salle. Là. Faut pas qu'il y ait de poussière qui rentre dans l'écran, sinon ça va paraître. Là. C'est pas nécessairement très gros non plus les tapis qu'ils utilisent pour enlever, pour donner un... je m'en rappelle pas ce que ça donne, là, mais niveau négatif-positif, pour pousser la... pour qu'il y ait deux négatifs ou deux positifs, pour pas que ça soit collé justement la poussière sur la vitre. C'est pas très gros, on en a un, nous, où je travaille comme technicien, donc c'est vraiment pas très gros, ça fonctionne très bien. Oh. Excellent. Messieurs, je viens de me rendre compte que je n'ai pas, et probablement que c'est pour ça que les gens n'ont pas commencé à poser des questions, je n'ai pas de code promo à remettre aujourd'hui. Ah ben, c'est bon, on les a tous donnés hier. On les a pitchés tels des morceaux de viande à des piranhas, et on les a tous testés après le show. C'est Vincent qui l'a fait, et il n'y en a aucun qui fonctionnait, donc ils ont tous été donnés. Oui, ils ont tous été déjà utilisés. Puis il faut que je réponde, la fille qui a gagné le TextCraft, elle a eu des petits problèmes avec, c'est peut-être finalement quelqu'un d'autre qui a gagné le TextCraft. Faudrait voir. On n'a pas reçu beaucoup de emails des gens qui nous auraient écrit pour nous dire on a gagné, on est super content. Merci Mac Québec. Oui? J'en ai vu un passer sur un podcast à macquebec.com. C'est vrai, un. J'en ai vu un, oui. Ingrat! Bande d'ingrats! Voilà. Est-ce qu'on a des questions aujourd'hui? Les gens qui sont dans le chat, gênez-vous pas. Utilisez le bouton « Comment or question » juste en bas des fenêtres de webcam. On a-tu répondu à la question « Time capsule » versus la... Non, on va y répondre, là. Okay. Les gens sont comme omnubilés par l'interface de Spreecast, qui est vraiment très chouette. On utilise la plateforme pour la première fois. Encore une fois, je vais le dire, c'est un ami à moi qui s'appelle Robert Créco, qui est photographe de son état, qui, pendant le podcast d'hier, m'a écrit sur Facebook et m'a dit « Hey, pourquoi vous n'utiliseriez pas Spreecast? » Et à l'initiative de Jean-François, hier soir, on a testé la plateforme. Ça a vraiment très bien marché, sauf quelques petits bugs avec Flash, mais on peut passer par-dessus. Là. C'est pas... c'est pas si pire que ça. Puis il y a vraiment des embêtements qu'on avait avec Vocal qu'on a beaucoup moins avec Spreecast. Il faut dire la qualité vidéo, je sais pas de votre côté, mais d'ici en fait c'est beaucoup plus fluide quand on va remettre des thèmes puis qu'on va se mettre à danser là. Ben ouais, vous me voyez. Ça va être cœur, hein. Ouais, vous voyez. Ouais, c'est à cause de ça en fait que la qualité est bonne, c'est parce que t'es pas là. Oh. Mais au niveau visuel, pour ce qui est intéressant, surtout c'est sur la page podcast de Mac-Québec, on peut voir vraiment le chat avec, contrairement à Vocal. Moi, l'interface sur le site Spreecast.com, c'est pas super non plus. Là. C'est pas extraordinaire, mais ça fait très bien la job. C'est vrai. Non, mais c'est ça, le code embed avec le chat à côté. Ouais, ça, c'est le très bien gris, fait. Tout ça, là, nous autres, on va ajuster notre page web, mais ça se présente très bien. Mm. On va commencer de ce fait sur une première question. Oui, on a... c'est qui ça? Oui, c'est Francisco González Lopez sur Mac-Québec Entraide qui nous pose la question. Est-ce que la Time Capsule est compatible avec une PlayStation 3? En fait, est-ce que la PlayStation 3 réussit à lire les vidéos qu'il y a sur, sur le disque dur de la Time Capsule? Puis en fait, on veut parler un peu comme si on utilisait la Time Capsule comme un NAS, finalement. Oui, c'est ça. Il faut dire premièrement que le Time Capsule n'a pas de NAS intégré dedans. Il y a juste un disque dur qu'il utilise pour faire le backup de Time Machine. Mais on peut toujours mettre des fichiers à l'intérieur du disque dur. Mais la seule chose, c'est que, mettons, il faudrait prendre un logiciel qui s'appelle PlayStation 3 Media Server, qui est gratuit, qui est faite à base de Java. Mais la seule chose, c'est qu'il faut monter le disque dur de la Time Capsule sur le bureau pour dire au Media Server d'aller chercher ce disque dur-là avec les fichiers à l'intérieur. Tu as vérifié ta réponse? Vraiment, ça peut marcher comme ça? Oui, ouais, mais je l'ai déjà fait, je l'ai déjà essayé. Ah, OK, OK, fait cool. Que, pour ça que c'est moi qui réponds. Fait que c'est ça, fait qu'il faut monter... Excuse-moi. Non, c'est cool. Fait que c'est ça, non, c'est ça. Il faut monter absolument le disque dur sur le bureau pour que ça soit fonctionnel. Mais c'est l'ordinateur qui rend le disque dur. L'ordinateur est capable de monter, de voir le disque dur. C'est lui qui fait la communication. Est-ce que tu sais, puis bon, c'est une question un peu complexe, est-ce que tu sais si c'est l'ordinateur qui va chercher le signal et qui le rediffuse au PlayStation 3? C'est probablement ça qui se passe, en fait. D'après moi, c'est ça qui se passe, oui. OK. Donc, directement, en fait, une Time Capsule et une PlayStation sans ordinateur, ce ne serait pas possible. Non, c'est ça. Ça prend absolument le logiciel dans l'ordinateur pour faire rouler, pour aller chercher le vidéo. Parce que la PlayStation ne va pas chercher le disque dur. Même à part si tu branches un disque dur externe dessus. Okay. Là, tu vas pouvoir voir ton disque dur, mais en FAT32. Il faut que ton disque dur soit en FAT32. Mais ça prend absolument un ordinateur si vous voulez passer à partir de la Time Capsule ou d'un disque dur externe branché après la Time Capsule ou d'un ordinateur. Fait qu'il n'y a pas moyen de... C'est probablement pour éviter d'avoir à laisser les ordinateurs allumés quand il veut jouer, quand il veut écouter un film... ou faire rouler Ubuntu de son ordinateur en 1080p à sa PlayStation 3. Ouais, ouais. Mais donc, ou encore en 4K compressé. Voilà, en 4K pas compressé. Mais donc à proprement parler, en fait, ça it kind of defeat the purpose. Je veux dire, il est obligé d'avoir un ordinateur allumé. Maintenant, est-ce que la PlayStation 3 serait capable de se brancher sur un disque NAS? Bonne question. Ce serait à voir. Est-ce qu'il y a un protocole que le PlayStation pourrait... est-ce qu'il fonctionne en Samba? Est-ce qu'il fonctionne AFP? En DLNA, hein? Oui, DLNA. OK. Ouais. Donc, si le NAS... pourrait fonctionner. Si le NAS supporte le DLNA, et la plupart des NAS récents le font, là, que ce soit du QNAP ou du Synology ou du Promise... ils vont probablement le supporter. Peut-être que le terme NAS, peut-être que le Network Array System est une notion que les auditeurs vont peut-être avoir de la difficulté. Bernard, est-ce que tu peux nous éclairer sur qu'est-ce qu'un NAS? Ben, c'est un Network Array, c'est ça, je cherchais le terme. Système. J'en ai un, par exemple, mon MacBook Live, qui est un disque dur branché en réseau et non pas en USB. Bien, ça, c'en est un, par exemple, un NAS. Donc, c'est un disque dur accessible en réseau. Ça, c'est un exemple d'un NAS. Okay. Donc, on peut faire des backups là-dessus, tout ça. Par contre, il y a une chose que j'ai découvert en essayant de faire un backup de Time Capsule sur un NAS. On ne peut pas encrypter notre time capsule comme on peut le faire avec un disque USB. Maintenant, avec Lion, on peut encrypter notre backup time capsule, time machine. Mais pas sur la time capsule. Non. Time capsule, c'est le même problème aussi. Ouais. Time capsule puis les NAS, on ne peut pas faire un backup time machine encrypté. Non. Mais bon. Par contre, un MacBook Live va supporter le DNLE. Il va supporter le Samba. Donc, par exemple, Apple TV, jailbreaky avec Media Player dedans, vous pouvez accéder directement à vos films qui sont archivés sur un NAS en le branchant en Samba, par exemple. Ouais. Et vous n'avez pas besoin de garder votre Mac ouvert pour partager votre disque dur qui serait branché sur votre Mac. Donc, ça peut servir à ça. J'imagine que ça va fonctionner, le MacBook Live, avec le PlayStation 3 également. Moi, si j'étais la personne, j'irais plutôt me chercher un NAS, le brancher directement dans le routeur, que de me servir de la Time Capsule. Ben moi, ce que je fais ici aussi, des fois, c'est que dans ma Time Capsule, mon disque dur USB il est branché dans la Time Capsule. Et là, je... Ah oui, c'est un bon moyen, ça. Ça, c'est un bon moyen de dire... comme à mon Apple TV que j'ai ici, dire « va chercher les films, vu qu'il y a jailbreaking, va chercher les films sur le disque dur qui est branché après ma time capsule. » Ce que la PlayStation ne fait pas, par exemple. La raison pour laquelle on ne suggérerait pas de le faire avec un time capsule, c'est que normalement, si vous avez un time capsule, ça sert avec Time Machine. Et si c'est votre disque de backup, laissez-les tranquilles, jouez pas avec. Et faut le répéter, malgré ce que Apple prétend à propos du disque qui est à l'intérieur de ça, qui est supposé être une version entreprise qui supporte beaucoup plus de tours, beaucoup plus de cycles et tout ça. Malheureusement, en fait, c'est un Western Digital Green qu'elle a dedans. Ouais. Ouais. J'ai vu des gens vouloir jouer avec le time capsule puis le griller complètement. C'est pas long. C'est pas nécessairement fait pour rouler de longues heures comme ça. Donc, vous êtes mieux d'y aller avec quelque chose de plus costaud qui est fait pour évacuer la chaleur. Et la plupart des NAS que vous pouvez retrouver vont faire du RAID, soit miroir ou même du RAID 5 là, pour des gros boîtiers, des boîtiers NAS. Mm. Oui. Puis en plus, le MacBook Live, je donne ça comme exemple parce que je l'ai et je le connais bien, va avoir un iTunes Server à l'intérieur aussi. Donc, vous allez pouvoir accéder à vos fichiers directement dans iTunes sur votre disque dur branché en réseau. On n'aura plus besoin de ça maintenant avec l'Apple TV 3, là? Oui, avec iTunes in the Cloud, avec Apple TV 3. Mm-hmm. La patente va être inclue dedans. Ça dépend de votre collection de films. Oui, c'est ça. Ben, en fait, une des problématiques en fait, avec les iTunes servers des NAS, c'est que les films sont encore protégés par DRM et qu'on ne peut pas les laisser sur un disque externe. En fait, on ne pourra pas les faire jouer à travers le réseau sur, par exemple, un Apple TV, si ça ne passe pas par iTunes. Il faut qu'une interface iTunes soit ouverte. Et malgré ce que les NAS proposent au niveau marketing, là, j'ai un iTunes server, ce n'est que pour la musique. Ils peuvent rien faire pour les films, les séries télé actuellement. Attends un petit peu, je vais vérifier de quoi. Bonne question. C'est ça qui est plate un peu, c'est qu'ils ont enlevé les DRM sur la musique. Mais ils n'ont pas enlevé les DRM sur les films. C'est comme... je m'excuse, mais je l'ai acheté, Captain America, c'est le film qui me vient en tête, là. Je l'ai acheté, mon Captain America. Enlevez-moi le DRM dessus, que je peux l'écouter n'importe où, là. Oui, mais ça ne se fera pas tout de suite, par exemple. Non, ça va prendre du temps. Puis si on se souvient bien, en fait, c'est Steve Jobs qui avait été l'avocat, en fait, qui avait poussé au major le fait que les DRM, là, c'était fini, là. Faites de quoi? Il avait écrit une lettre, il avait en fait poussé l'opinion publique à appuyer, à faire de la pression de ce côté-là. Mm. On peut passer, y avait-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Ben, je veux juste vas-y, Vincent. Non, c'est exactement ce que je disais, Alexis. Ben, c'est ça, mais je veux juste dire quelque chose d'autre. C'est aussi, il y a tellement de moyens maintenant comment, de streamer des vidéos sur une télé maintenant, que pas que votre télévision n'est pas intelligente ou quoi qu'elle soit, là, mais il y a tellement de moyens avec des disques durs, avec des serveurs. Fait qu'il faut fouiller un peu la meilleure méthode qui vous convient et la moins chère pour vous aussi si vous avez un certain budget à mettre dessus, parce qu'un NAS, c'est quand même pas donné. Là. Alexis, combien c'est rendu un NAS? Ça dépend, il faut mettre des disques durs dedans. Ouais, donc, on parle juste du NAS. Un NAS RAID 5, c'est pas en bas de 1000$ là, actuellement. C'est ça. Fait qu'il y a tout le temps d'autres moyens qu'on peut trouver un peu moins cher. En fait, je dis ça, mais un NAS RAID 5 à 8 terabits pour un total de 6 terabits utilisables, c'est autour de 1000$. Évidemment, si on veut quelque chose de plus modeste, à ce moment-là, on peut aller chercher des disques durs moins chers. Mais moi, j'attendrai un petit peu que les disques durs descendent. Quoique, le prix s'est un petit peu stabilisé à la baisse. Oui, il est à temps. Oui. Ben, le MacBook Live peut être autour de 200$, mais là, on a un 2 teraoctets. Oui. Mais pour faire du backup de multimédia, c'est parfait. Là. Un seul, par exemple. Un seul. C'est pas un RAID, c'est ça. Non, tu peux pas le changer, ton disque dur dedans, puis tout ça. Voilà. Donc, messieurs, je vous laisse choisir la prochaine question. OK, on prend celle-là. Ouais. Je dois dire aux gens qui sont dans le chat... qui disait on attendait que l'autre question soit posée. Gênez-vous pas pour envoyer vos questions. Elles s'accumulent. Nous, on les regarde. Pendant qu'on parle, on voit toutes les questions qui se rajoutent et on sélectionne celles qui vont être diffusées un petit peu plus tard. Donc, même si vous avez une question qui demande à être répondue tout de suite, là, posez-la tout de suite, puis on va y répondre le plus tôt possible. Mais gênez-vous pas pour les poser. Attendez pas qu'on vous donne le signal. Entrez-les tout de suite, puis on va les sélectionner par la suite. Oui, parce qu'on les met en stand-by en ce moment. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui a cliqué sur le petit X et qui a fait disparaître. Oh. La question, en fait, était à quelle heure il faut arriver au Apple Store pour être sûr d'avoir un iPad 3. La mise en vente du iPad 3, en fait, je l'appelle l'iPad 3, mais c'est le nouveau iPad, se fait le 16 mars. Et en fait, par expérience, pour le iPhone 4S et pour le iPad 2, moi, je suis arrivé un bon 12 heures à l'avance. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'arriver comme ça. C'est juste que ceux qui sont en avant de la file, c'est les plus crinqués. C'est là que le party y est. C'est là qu'on se fait du fun. Effectivement, oui. C'est là qu'on se fait regarder comme des aliens sur la rue, qu'on se fait pitcher des tomates puis qu'on fait rire de nous par du monde qui ont probablement dans leur vie attendu en ligne pour des billets pour Bono puis YouTube. Bon, ça, c'était mon éditorial, mais c'est vraiment en avant que le fun, il est. Maintenant, quand la mise en vente est faite, la première journée, on va prendre comme exemple, Bernard, tu t'as acheté un iPad 2. Oui. Comment difficile ce fut? Étonnamment, ça n'a pas été si pire que ça, parce que moi, j'avais été au Future Shop Forum. Qui est caché à l'intérieur, que personne ne connaît. Oui, exact. Puis la file n'était pas si pire que ça quand je suis arrivé. Donc, je m'en suis tiré pour, je crois, 4 heures d'attente. Pour ce qui est du iPad 2, pour donner un exemple, moi, j'étais arrivé la journée d'avant, donc le 24 au soir à 6h30. Et c'était tout ça? C'était pour l'iPad 2, moi aussi. C'était pour l'iPad 2? On attendait les deux en même temps. Ouais. Moi, j'étais arrivé sur l'heure du midi pour attendre. Et ça a pris à peu près 3 ans. Mais ça allait vite parce que les gens... il y avait une autre grosse file après, en arrière de moi. Puis il y avait déjà des gens en avant, mais il y en avait beaucoup plus en arrière de moi. Puis j'étais dans les derniers à avoir... un iPad, donc... Parce que les stocks dans les petites boutiques sont limités. Effectivement. Exact. Oui. Puis en plus, dans un Apple, ce qui est pratique, c'est que si vous allez faire l'attente, puis vous êtes dans les derniers dans la ligne, vous allez recevoir normalement un petit coupon, ce qu'ils ont fait l'année passée, par expérience, parce que c'était la première fois que je le faisais. Donnez un petit coupon, vous choisissez quel produit vous voulez avoir. S'ils n'en ont pas, ils vont vous dire tout de suite, bon, en ce moment, j'en ai pas, mais ils vont vous en garantir un. Là. Puis vous allez avoir le petit ticket, vous allez devoir revenir... moi, le monde qui avait les tickets autour de nous, le lendemain, ils pouvaient revenir en avoir. Donc, c'était quand même assez rapide. Je pense qu'il y avait pas beaucoup de 16 gigs, mais moi, j'étais le troisième dans le film. Fait que j'ai pu en avoir un. Je suis arrivé à 3h, 3h30 le matin. Là, fait que... Et il y a Dave Hardy qui dit dans le chat, est-ce que c'est mieux d'aller au Best Buy? On ne sait jamais le nombre. J'ai répondu un peu à la question, hein, ouais, mais on ne sait jamais le nombre de iPads qu'ils vont avoir dans les boutiques. Peut-être qu'ils en ont zéro. Peut-être qu'ils vont en avoir 100. On ne le sait pas. Moi, ce que je dis, c'est que la décision à prendre est de savoir si tu veux un iPad jour 1 ou si ça ne te dérange pas d'attendre. Si la réponse, c'est « je veux un iPad jour 1 », tu arrives, et j'ai dit 12 heures tout à l'heure, mais c'est pas vrai, 6h30 jusqu'à 8h le lendemain matin, ça fait 13h30 d'attente, puis bon, plus 5-10 minutes. Mais il faut dire que c'est une expérience à vivre. C'est, Apple est une compagnie comme aucune autre. Le matin, là, pendant la nuit, qui a attendu avec moi? Il n'y a personne ici qui a attendu avec moi, mais il installe la publicité dans les fenêtres. Il cache, il essaie de camoufler avec des cartons. En tout cas, on jase avec le monde. Il y a du monde qui vient parler avec nous des rumeurs. Et quand arrive le moment de rentrer dans le magasin, tout le staff est là. Il n'y a personne qui est en vacances. Donc, la mezzanine est pleine d'employés à Apple. Et à l'entrée, ils font une allée d'honneur. Donc, il y a des employés de chaque côté. Et il y a du monde qui sont des animateurs de foule qui prime les gens. Il y a un attroupement monstre. Les médias sont là. Tu as l'impression d'être à Cannes. Et les gens à l'intérieur applaudissent. Et tu rentres dans Apple, puis l'impression que ça donne, puis c'est pas parce que je l'ai vécu souvent dans ma vie, t'as l'impression de naître, t'as l'impression de rentrer, en fait, de sortir de quelque chose. C'est space, ça n'a pas de bon sens. Faut le vivre, tu sais, c'est vraiment quelque chose de drôle. Ouais. Donc, puis il y a Christophe Anne qui dit dans le chat de descendre dans les plus petites villes, Drummondville, Sherbrooke, Trois-Rivières, etc. C'était vrai que Québec, ça avait pas eu le même engouement, il y avait beaucoup de monde, mais Dean était là, il peut nous en parler dans le chat. Ouais, mais écoutez, excusez, je vais parler pour de Dean, là. Excusez, là. Monsieur a réservé son iPad sur le site de Apple. C'est pour les chuchotes. Oh, mais attends. Après, il a annulé sa commande parce que monsieur il va tellement souvent au Apple Store à Québec que la gérante du Apple Store à Québec, il en a réservé un elle-même. Fait ça, que monsieur tu viens de mettre quelqu'un dans le trouble. Moi, je pense que Dean a plutôt un compte commercial là-bas. Puis, il y a des comptes commerciaux qui sont offerts aux entreprises. Et puis, on peut faire mettre effectivement du matériel de côté. Je pense plus que c'est ça qui s'est officiellement passé. Également. Voilà, il vient de me dire non. Je me souviens que pour le iPhone 4S, à un certain moment donné, Apple faisait une espèce de système de réservation de iPhone. Tu allais sur le site, tu allais voir s'il y avait à une heure précise sur le site Web, tu allais voir si le magasin, par exemple Sainte-Catherine, avait reçu des iPhones. Puis, quel modèle avait, qu'il y avait. S'il y en avait, tu le réservais tout de suite sur le site. Puis le lendemain, tu allais le chercher à la boutique. Ah, oui, c'est à 21h sur le site d'Apple quand le magasin ferme. Il faut le répéter, là, actuellement, si vous mettez un iPad 3 de côté ou un nouveau iPad de côté, il y en a pour 3 semaines d'attente avant de vous le faire envoyer. Donc, L'année passée, ceux qui ont commandé des iPad 2, il y en a certains qui l'ont reçu le 15 mars. En Angleterre, je me rappelle, il y a des personnes qui avaient reçu l'iPad avant. Donc, peut-être vous allez être parmi les chanceux, mais je pense pas qu'ils vont faire cette gaffe-là une deuxième fois. Là. Non, en fait, probablement que DHL s'est fait bien avertir qu'il n'y a pas un iPad qui arrive avant le 16. Mais comme je l'ai dit, en fait, c'est une belle expérience. Personnellement, je vais être en ligne encore une fois cette année, c'est certain. Je veux participer et faire cet événement-là. Donc, en fait, les auditeurs sont invités à venir me rejoindre. Si vous me suivez sur Twitter, je vais avertir en fait à quelle heure j'arrive, où est-ce que je suis dans la ligne. Je passe souvent pour compter le nombre de personnes et dire à quelle heure, puis tout ça. Puis je vais Alexis, Alexis, excuse-moi. S'il y a quelqu'un qui veut réserver un iPad, oui? Faites-le auprès d'Alexis. Il y a peut-être un petit arrangement possible. Oui. En fait, c'est... c'est vraiment... tu sais, il y a des gars qui revendent des tickets après les avoir achetés. Bien, 14 heures en ligne, je pense que c'est un temps d'attente qui est assez long. Il y a peut-être des gens qui veulent absolument pas faire ça, qui veulent mettre la main sur l'appareil. Moi, je veux vivre l'expérience, puis je peux en faire profiter les gens. Donc, vous pouvez me contacter en DM ou par email. Et puis, bon, évidemment, il y a un tarif, là, tu sais. Puis, en plus, il y a une limite aussi. Je pense que c'est deux iPads, là, de toute façon. Voilà, voilà. Oui, mais comme Alexis, il va y avoir plein d'amis dans le line-up qui vont peut-être avoir pas besoin d'un seul... Tu sais, qui vont peut-être avoir de la place pour d'autres. Ben, on ne sait jamais. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a Alexis Cornelier qui va être mis en prison pour recelage de iPad pas encore vendu et la gérante du Apple Store à Sainte-Foy qui va se faire sacrer dehors pour avoir fait des trucs, pour, pas des trucs, mais pour avoir fait des réservations illégales. Bravo. Non, mais aussi pour dire que j'ai vécu un petit peu l'expérience quand j'ai été voir... Alexis, le matin, avant d'aller travailler, je suis allé le voir. J'ai vu tout de suite qu'il y avait une belle gang. Mais aussi, quand on dit 12 heures d'attente, vous n'êtes pas nécessairement 12 heures debout là. Il y a des gens qui ont leur voiture, qui viennent embarquer dans la voiture. Et les gens respectent la ligne. Les gens, entre eux autres, disent, OK, toi, tu étais le quatrième. Ta place est réservée, quatrième. Même si tu t'en vas dîner, il y a quelqu'un qui va surveiller ta place. C'est ça. En fait, tu pars pas non plus 5-6 heures, mais si tu pars à la salle de bain ou une demi-heure à aller manger, il n'y a aucun problème. Tout le monde est bien chill avec ça. Là. C'est ça, tout le monde. Bon, je traite tout le monde de chochotte, mais pour l'iPhone 4S, je suis arrivé assez de bonne heure. J'avais réussi à me stationner comme pile devant le Apple Store. J'étais allé dormir comme un 2 heures là, à 5 heures du matin. Là, j'étais plus capable. Puis quand je suis revenu, je me suis réveillé. Il y avait plein de monde puis tout le kit. Et il y avait une grosse, grosse couverture. J'avais été, en fait, un peu pris. Puis je cherche ça, là, je ne vais pas m'en cacher. Mais j'avais été pris dans une couverture médiatique assez importante parce que le premier en avant de moi, j'étais le deuxième, était anglophone. Donc, tous les médias francophones qui venaient, ben, je ne voulais pas nécessairement avoir à discuter avec lui. Par contre, habituellement, quand la première personne en avant... la personne en avant, en fait, se retrouve dans tous les shows télé. C'est le premier à rentrer, donc c'est lui qui se fait filmer puis c'est lui qui passe un peu partout. Mais j'avais été deuxième puis j'avais eu plus de temps d'antenne que lui. Mais bon, c'est ce que je recherche. Donc, c'était nos petits trucs pour le lancement... de produits. Pour vous aider à faire la ligne, effectivement. Exact. On va mettre une autre question. On n'a pas d'autres questions en stand-by. Gênez-vous pas. Mettez-en. On va essayer de répondre à vos questions. Celle-ci, c'est j'ai lu plus tôt ce matin que la batterie de l'iPad 3 a été doublée en taille. C'est confirmé. Point d'interrogation. En taille, je ne sais pas. Oui, puis non. Comme tu as dit, en taille, non. Mais au niveau de la puissance... elle a grossi un peu, parce que, bon, comme on a dit dans l'autre show, l'iPad est un peu plus épais de 0,6 mm. Ils ont augmenté la capacité de la batterie. Évidemment, elle est un peu plus grosse, mais elle a doublé de puissance. Là, je pense que c'est 67 % de plus puissant que la version... Ça passe de 25 watts à 42,5. Oui, mais en fait, j'ai oublié le... Le MA, comment ça s'appelle donc? Le... Milliwattage heure. Milliwattage heure. Il est passé de 6 000 à presque 12 000. Wow. Ça, c'est vraiment là. Ça, milliampères ça heure, excuse. Oui, c'est ça. Milliampères heure. Donc, c'est vraiment énorme. De 7 000 à 11 ou 12 000. Là, donc. Moi, j'aurais peut-être une question. En parlant de batterie, j'ai un vieux netbook que ça fait des mois qu'il traîne, peut-être des semaines, disons. Dans une armoire, j'ai essayé de le rebrancher l'autre jour, puis tout d'un coup, la batterie ne fonctionne carrément plus. Elle ne se recharge plus. Tu te souviens-tu à combien de pourcents la batterie était quand tu l'as stockée? Elle devait être assez haute parce que généralement, je le garde toujours branché. OK. Mais elle s'est comme épuisée par elle-même. Habituellement, donc, quand on stocke pour un certain temps une batterie, on devrait normalement la mettre autour de 40 % y a des dossiers, si vous cherchez un peu sur Google, puis c'est très difficile d'avoir de l'information sur des batteries, là, parce qu'un site dit quelque chose, puis l'autre site dit autre chose, mais une batterie lithium-ion, devrait se stocker à 40 %. C'est une batterie qui va perdre sa charge lentement, mais je ne sais pas, au niveau des cellules, là, c'est mieux de ne pas stocker l'appareil quand il est plein. OK. C'est tout ce que je sais. Donc, tu es mieux de ne pas la stocker à 100 %, tu es mieux de la mettre un petit peu à moitié, disons. Voilà. Puis, il n'y a aucun moyen de la ressusciter, cette batterie-là. Bien, je ne sais pas si la laisser brancher longtemps peut l'aider, mais je suis dans le même cas. L'ordinateur sur lequel je suis en ce moment, en fait, la batterie semble avoir de la difficulté à charger. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a été vidée trop longtemps, là, mais on dirait que une batterie, c'est comme une bombe, hein? C'est-à-dire, ça a une job dans la vie et si ça la fait pas, ben c'est comme triste puis la bombe se fait désamorcer habituellement là, on l'espère du moins, ou elle explose malheureusement. Mais la batterie, si elle fait pas sa job de batterie, elle finit par oublier, elle est touchée d'une espèce d'Alzheimer. Et là, je parle pas de mémoire de batterie, je parle vraiment du fait qu'elle oublie sa job. Le composé chimique à l'intérieur, s'il est pas stimulé par de l'électricité, perd sa capacité à en retenir quand on va lui en donner. Effectivement, si les électrons dans la batterie ne sont pas assez stimulés, j'avais lu quelque chose là-dessus, mais c'est à peu près ça, oui, effectivement. Voilà. Donc, vaut mieux acheter une nouvelle batterie. Oui. Ah, presque. On a une question qui était peut-être un petit peu longue là, à poster. Pour ça que je ne l'ai pas mis, là. Je vais vous la lire et puis ensuite, on va vous donner... C'est une question qu'on nous pose quand même souvent, mais je pense que c'est important de répéter. Bernard n'est plus capable de l'entendre. Tout à l'heure, tu ne voulais plus entendre parler de Flash. Tu vas voir. C'est Jean-François. Oui, Jean-François, tout à l'heure, n'était plus capable d'entendre parler de Flash sur iPhone dans son coup de 12. Mais si c'était toi, en fait, c'est cette question-là que t'aimes pas beaucoup. Donc, bonjour, voici mon problème. Mon portable MacBook 120 GB est plein, et même trop plein. Il me reste que 208 MB de disponible. By the way, un disque dur devrait toujours avoir 15 % de son espace libre en cas de perte de données ou simplement pour que l'ordinateur puisse utiliser l'espace disque restant comme swapping au niveau de la mémoire vive de l'ordinateur. Quand la mémoire vive est saturée, il utilise le disque dur pour aller faire ses échanges. Habituellement, quand on est rendu là, l'ordinateur ralentit beaucoup. Quand on a 208 MB, la machine peut vraiment rencontrer de gros problèmes. C'est ce que Réjean nous dit un petit peu plus loin. Donc, lorsque j'ai voulu mettre à jour mon iPod, plusieurs bugs ont été provoqués car le disque dur du portable était trop saturé et manquait de mémoire. On me demande de jeter des fichiers pour alléger le disque dur. J'ai mis à la corbeille plusieurs applications. By the way, on ne suggère pas de sacrer les applications aux poubelles. C'est-à-dire que si vous savez que vous ne les utilisez pas, peut-être, mais souvent, en fait, les gens vont avoir tendance à mettre des applications nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur ou nécessaires pour diagnostiquer de moins l'ordinateur. Si c'est des applications du système, effectivement, si c'est les échecs, moi je les enlève toujours. Mais de toute façon, ça prend pas beaucoup de place là, dans la machine. Ça prend pas 10 gigs. Là, mais, ouais. Bien, ce qu'il dit, c'est ça. Il dit que ça n'a rien donné ou presque. Et je trouve ça très étonnant, en fait, parce que des applications vont quand même... Bon, ça dépend évidemment lesquelles, là. Échec, ça doit pas peser plus que quelques megs, mais simplement Firefox, ça doit peser une centaine de megs. Donc, en le sacrant au vidange, on récupère quand même un petit peu. Bref, je continue. La personne nous explique qu'elle a 9200 photos dans son portable. On parle toujours d'un disque dur de 120 gigs et aucun dossier Word. Rien que des photos et des applications. Donc, que puis-je faire d'autre à part les photos pour alléger mon disque dur? Il nous dit aussi qu'il a voulu mettre à jour son disque dur externe, mais incapable à cause que le portable n'a plus assez de mémoire pour permettre la mise à jour convenablement. J'aurais pu ainsi retirer mes photos du disque dur du portable. Ces photos, 9200, prennent autant d'espace sur le disque dur selon vous? Ça dépend à quel format ils ont été pris et combien de mégapixels ils ont été pris au niveau des photos. Donc, clairement, une machine qui est utilisée pour de la photographie. Le conseil de base, là, quand vous arrivez à un truc comme ça, quand vous arrivez à saturer votre disque dur d'ordinateur, à moins que vous ayez des dossiers de téléchargement de version d'Ubuntu, puis que, bon, là-dedans, là, souvent, on en télécharge plus qu'on en a de besoin, là, c'est notre cas, puis que vous ne puissiez pas faire un important là-dedans, bien, ce que votre ordinateur vous dit, c'est « change-moi de disque dur », comme iFixit, qui vous vendent en fait tout le kit. Vous achetez le disque dur, ils vous envoient le tournevis qu'il faut, puis un petit vidéo en fait qui vous explique comment faire pour votre machine. Donc, c'est pas nécessairement très compliqué. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont peut-être nerveux à l'idée d'ouvrir la machine. Donc, moi, c'est ce que je suggérerais de faire, ce serait de changer le disque dur. Il y a des logiciels qui font une espèce d'inventaire. Tu peux lui dire quels sont mes fichiers les plus gourmands en espace, quels sont les dossiers qui sont les plus gros. Donc, ça, on peut le faire facilement avec le Finder. D'ailleurs, il y a une fonction dans le Finder qui n'est pas là par défaut, mais quand on va dans « Présentation » et « Afficher les options de présentation », on peut cocher en bas de calculer la taille des dossiers. Et bien souvent, on va découvrir qu'un dossier en particulier va avoir plusieurs gigs de fichiers à l'intérieur. Donc là, on peut aller investiguer un petit peu plus dans ces dossiers-là qui sont les plus gourmands pour voir quels seraient des fichiers qui seraient trop gourmands en espace. Il y a des applications comme DiskDaisy aussi qui vont permettre de le faire. Ou encore Clean My Mac, qui a une section applications. Donc, vous pouvez voir la quantité de place qu'une application prend dans votre disque dur. Si c'est des photos, s'il y a 9200 photos et qui ont plusieurs megs par photo, j'imagine que ça prend beaucoup d'espace. Si c'est vraiment le dossier photo qui est vraiment trop volumineux, à ce moment-là, il y a des techniques pour déménager le dossier photo à l'extérieur, comme on peut faire aussi pour iTunes, pour la musique. On peut déménager ça dans un disque dur extérieur ou à une autre partition. La problématique avec quelque chose comme ça, oui, une autre partition, mais c'est un portable. Donc, l'autre chose que le monsieur pourrait faire, c'est remplacer son lecteur CD par un enclosure, je ne sais pas en français, là, un boîtier. Qui pourrait contenir un deuxième disque dur dans son portable. Moi, c'est ce que j'ai actuellement parce que j'utilise absolument pas le lecteur CD. On parle aussi de Dean dans le chat nous donne l'idée d'utiliser AppZapper. Est-ce que c'est une de ces applications qui permettrait de se débarrasser des langues, un peu comme monolingual dont on a parlé souvent? Le AppZapper va enlever à la fois l'application et tous les fichiers reliés qu'on n'a pas toujours. Des fois, on fait juste prendre l'application du dossier application et glisser dans la poubelle, mais c'est pas toujours suffisant parce qu'il va y avoir d'autres fichiers qui vont être entrés dans le système qu'on n'a pas toujours accès. Donc, l'application AppZapper va faire le vrai ménage d'une application. Ce que j'ai pas compris dans le email de la personne, c'est dans la question de la personne, c'est au niveau de la mise à jour de son disque dur externe. Et est-ce qu'il est possible qu'un disque dur complètement saturé dans une machine interne, quand on essaye de faire un transfert sur un disque externe, refuse de le faire par manque d'espace? Il y a peut-être un buffer qui se fait dans le disque dur. Quelque chose qui ressemblerait à ça. Non, en fait, il n'y a pas de mise à jour du disque dur externe à faire. J'ai jamais vu un disque dur se mettre à jour là, externe, à part des NAS ou des serveurs, là, comme Bernard avec son Western Digital là, qui a acheté l'autre jour. Non? Exactement. Tu peux mettre le firmware à jour ou son logiciel à jour. Là. Mais même à ça t'empêche même pas de l'utiliser. Bien, le temps que tu fais ta mise à jour du firmware, oui, là. Mais je veux dire, c'est quelques secondes. Là. C'est pas. C'est pas long. Là. C'est pas très long. Là. On nous dit dans le chat si la corbeille est remplie chez moi, mon disque dur ne veut plus rien transférer. Pour la problématique du monsieur, s'il a la même problématique que vous, il faudrait commencer par vider la corbeille. Là. Effectivement, oui. J'ai pas voulu le dire au début, mais la première affaire à faire, si tu jettes des applications puis que tu vois qu'il n'y a pas de changement au niveau de l'espace, c'est parce que ta corbeille n'est pas vide. Là, c'est normal, c'est parce que ça ne l'efface pas réellement, l'application ouais. ou le fichier ou quoi que ce soit. Il te le met là, puis plus tard, si tu veux vraiment la vider, ben, vide-la, puis là, il va l'enlever. Encore là, si vous... il l'enlève pas vraiment, là. Il me donne juste à l'ordinateur le fait que cet espace-là est disponible, sauf que votre fichier n'est pas réellement effacé. Des fois, vous pouvez utiliser des logiciels exprès pour ça, pour les effacer, ou faire un recovery de données si vous voulez retrouver la trace de ce que vous avez mis dans la poubelle puis effacer ensuite. Ouais. Ou une autre solution, mettons le monsieur enlève son disque dur dans son Mac, il s'en va chez quelqu'un avec un boîtier qui rentre son disque dur dedans et qu'il rentre son disque dur à lui dans la machine de son ami. Il peut tout transférer ses fichiers sur le disque dur de son ami à est ce moment-là, assez gros, là. C'est un portable. À ce moment-là, moins compliqué que ça, ce serait de démarrer l'ordinateur en target mode, brancher en FireWire. Oui. Pour les gens qui sont avec nous et qui ne savent pas c'est quoi le target mode, Apple, en fait, c'est la plus belle chose pour un technicien, là, je pourrais vous le dire, mais un target mode, en fait, c'est la possibilité de booter votre ordinateur dans un mode où il devient en fait un disque dur externe que vous pouvez brancher sur un autre appareil. Et à ce moment-là, ça vous donne accès au disque dur interne de l'ordinateur. Donc, c'est une façon pour transférer des gros fichiers. Ça peut être une façon intéressante, quoique maintenant, on a AirDrop et tout ça, là. Mais ça peut être une façon intéressante aussi pour faire des diagnostics. C'est bon. Et ça permettrait même, en fait, mettons, je sais pas, Bernard, moi, j'ai un problème sur mon ordinateur. Bernard est là. Je veux voir, en fait, si c'est le disque dur qui est problématique. Ben, je pourrais démarrer ma machine avec le système d'exploitation de Bernard que j'aurais mis en target mode. Donc, je branche les deux ordinateurs, je démarre l'ordinateur de Bernard avec la touche T enfoncée. Donc, on démarre l'ordinateur, on entend le gong et tout de suite, on tient la touche T enfoncée jusqu'à temps qu'on voit un gros logo FireWire se promener dans l'écran. À ce moment-là, l'ordinateur est en mode target, T pour target sur le clavier, bon. Ouais. Pour ceux qui n'avaient pas fait le lien. Et à la suite de ça, en fait, vous branchez ou vous pouvez, en fait, idéalement, vous branchez l'ordinateur avec un câble FireWire avant, que ce soit un câble FireWire 400, que ce soit un câble FireWire 800 ou même un câble FireWire 400 à 800, ça va fonctionner. Et à ce moment-là, vous démarrez le deuxième ordinateur, celui qui a un problème, vous tenez la touche Alt enfoncée et à ce moment-là, vous allez voir, en fait, si votre ordinateur n'a qu'un problème de disque dur, ça, d'abord, ça peut être une mauvaise nouvelle, là, mais le disque dur de la machine distante devrait apparaître. Vous le sélectionnez, vous allez booter là-dessus. C'est ce que j'ai fait avec un des Mac qui avait commencé à avoir des signes de problème de disque dur et je l'ai mis en target mode à un moment donné. On a essayé toutes sortes de choses, réparer le disque, bon, toutes les recettes de base, là. Oui. Zapper la pram, tout. À un moment donné, je l'ai mis en target mode, j'ai passé un Disk Warrior et vraiment, il n'y avait rien à faire pour réparer le disque. Ça veut dire que le disque est en train de mourir. Oui. Et là, c'était parti pour un centre autorisé à Apple pour changer de disque dur. Mais heureusement, comme il n'était pas encore mort, qu'on pouvait encore accéder, en mode target mode, j'ai été allé chercher tous les disques durs. Ouais, les fichiers importants, mais en fait, j'étais capable de tout le chercher, le cloner sur un autre disque. Et quand on a reçu le nouveau iMac, ben là, assistant de migration pour récupérer le tout et bingo. Dean nous mentionne qu'on peut même le faire par Thunderbolt. Donc, le target mode existe maintenant en Thunderbolt. Donc, ça, c'est très intéressant parce que le transfert va ça être doit transférer assez sauvage. Ah oui, ça doit être assez incroyable. L'autre question, en fait, auquel je veux répondre, qui est associée un peu à ça, les gens vont souvent dire que changer de disque dur, ouvrir soi-même son ordinateur à Apple brise la garantie. C'est faux. Ouvrir son appareil ne brise pas la garantie. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on arrive avec un appareil qui a des signes extérieurs d'avoir été taponné par un clown fini, je vais vous donner un exemple. Là. On a déjà une cliente qui est venue nous voir en disant « Mon ordinateur ne fonctionne pas. » On a regardé derrière la machine, c'est un PC. Et à côté de la prise VGA, il y avait clairement des traces de quelqu'un qui avait forcé assez fort une prise VGA pour faire des traces dans le grillage de la carte vidéo. Faut être, tu sais, comme le triangle dans la forme trou du triangle, mais non, moi, je le rentre à côté, là. C'est exactement ça qu'elle avait fait. Donc, c'est clown, là, ça n'a pas d'allure, là, tu sais, elle n'aide pas à l'évolution de la race humaine, là, tu sais, comme... Je ne sais pas si ses parents n'auraient pas dû se reproduire. Mais, ce que je veux dire, c'est que si vous changez le disque dur dans l'appareil, ce que vous perdez, c'est la garantie de Apple. Disque dur, là. Vous venez de remplacer une pièce d'origine de Apple par un Western Digital. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des disques durs que vous allez acheter ont 3 ans de garantie. Alors que la pièce de Apple, avec sa garantie d'origine, a 1 an de garantie, à moins qu'on achète la garantie prolongée de Apple. Donc, puis là, je ne m'embarquerai pas encore une fois, là, je vais radoter si je parle de garantie légale, là, mais ça n'enlève pas la garantie. Ce qui peut être suggéré, c'est que pendant votre période de garantie du manufacturier, quand même gardez la pièce d'origine. Donc, le disque dur... là, on parle d'un 120 gigs, donc c'est clairement un ordinateur qui n'est plus sous garantie d'aucune façon. Ça, il n'y a pas de problème. Ça mais doit être exemple, le même Mac que moi parce que ça venait avec 120 gigs quand je l'ai acheté, moi. Voilà. Donc, ça fait probablement plus que 3 ans que tu l'as, là, donc il ne peut plus être sous garantie. Donc, première année, vous achetez un nouveau Mac, vous dites, tiens, moi, je vais mettre un SSD moi-même dans le Mac. J'ai pris le disque de 500 gigs de base qui venait avec. Bien, le disque dur de 500 gigs avec la pomme dessus, mettez-le dans un tiroir pendant votre année de garantie. Si jamais il arrive un problème, bien, de un, vous avez une pièce pour, tu sais, m'installer un système d'exploitation rapidement dans ma machine. Je dévisse une coupe de vis, je mets le disque dur. Le système d'exploitation de base de Apple est là-dedans. Donc, on va voir si c'est juste le disque dur qui est problématique ou d'autres choses. Et puis après ça, comme c'est la pièce d'origine qui est dedans, là, je peux aller chez Apple sans risquer de me faire dire « Oui, mais ton ordinateur, il y a eu des changements dedans, donc on peut pas le faire. » Mais Apple, même en voyant qu'il y a des changements dessus, si ça a vraiment rien à voir avec le disque dur, ben ils vont vous le changer sous garantie, votre carte mère, votre écran qui est en train de peler ou je sais pas quoi, là. OK, on a d'autres questions. Juste faire un petit wrap-up avant. Concernant l'application, là, il y a eu des rapports disant que l'application ne fonctionnait pas, le Mac Québec. En fait, c'est juste il y a eu une déconnexion puis une reconnexion sur le serveur. Fait que c'est une déconnexion que vous avez eue. Pour pas qu'il y ait de bug, automatiquement, l'application se coupe. Mais vous faites juste cliquer sur dans le fond, le bouton Play, puis il va repartir. Là. C'est juste... il y a eu un refresh sur le système, donc c'est pour ça. Là. Alors, la question, c'est « Mon iMac n'accepte plus que j'y insère de disque dans le lecteur DVD. Avez-vous des trucs à me suggérer avant de l'envoyer en réparation? » C'est drôle parce que ça m'est arrivé récemment et je me souviens plus comment j'ai réglé ça. qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, oui, je me souviens qu'est-ce que j'ai fait. J'ai été en mode dans le terminal et j'ai tapé une commande dans le terminal. J'ai essayé tout. J'ai pris Toast pour essayer d'éjecter un disque. Mais comme il n'y avait pas de disque dedans, c'était pas un disque qui était jamais le problème. C'était vraiment, on essaie de rentrer un disque, ça ne veut pas. Le mécanisme automatique ne veut pas embarquer. Okay. Et j'avais réglé ça avec une commande terminale. Il faut juste que je la retrouve. Effectivement, ça m'était arrivé aussi, puis j'avais utilisé une commande aussi pour le sortir. C'est vrai? Tu te souviens-tu? Pour le sortir. Oui, moi, c'était pour le sortir. La commande, okay. C'est eject? Non, mais en fait, quand je le mettais un CD dedans, il ressortait. Là. Okay. Non, mais là, c'est vraiment, il n'y a pas de CD dedans, mais même si on essaie de glisser un CD, il ne veut pas. Il ne veut pas rentrer carrément. Comme s'il y avait déjà un DVD dedans, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Moi, je serais curieux d'apprendre cette commande-là parce que c'est un problème qui revient assez souvent. D'abord, en fait, quelques petits trucs pour des CD qui seraient pris dans l'ordinateur. Si, en fait, vous n'avez plus de clavier, vous n'avez plus le contrôle, vous n'avez plus la touche d'éjection, vous n'avez plus non plus accès, ça arrivait tellement souvent au magasin, les gens qui arrivent font « j'ai mis un DVD loué dedans, il est jamais là. Je suis plus capable de le sortir. Mon ordinateur a planté, je sais pas quoi. Donc, on démarre l'ordinateur et on tient, comme Dean l'a mentionné dans le chat, on tient le bouton de la souris enfoncé jusqu'à temps que, en fait, ça va forcer le mécanisme du DVD à cracher le disque. Il y aurait aussi la possibilité de démarrer en safe mode avec pomme S ou commande S là, quand on démarre et de taper simplement eject. Donc ça, c'est une autre possibilité. Pour les gens qui auraient mis des les mini-DVD, ça vous est-il déjà arrivé? Non, ça ne m'est jamais arrivé. OK. Donc, le DVD, quand on va le glisser, n'est pas pris en charge par le mécanisme, mais les gens vont le pousser jusqu'au fond puis il est jammé. C'est sûr qu'avec un iMac, c'est un petit peu plus dur, mais le truc, c'est de prendre le portable puis de vraiment le secouer solidement en faisant des espèces de stop. Là. C'est dur à mimer à la radio, là. Mais donc donner des gros coups, le CD vers le bas. C'est ça. Donc faire jouer l'inertie en fait, une accélération soudaine du portable. Puis à ce moment-là, ça fonctionne. Puis si jamais c'est quelqu'un que vous connaissez qui le fait, le truc c'est plus votre face montre que vous êtes sûr que ce truc-là va fonctionner quand vous le faites. Plus le truc fonctionne rapidement. C'est assez impressionnant. Ça, puis rebooter un iPod, là, pour les gens qui savent pas comment, là, en tenant les deux boutons enfoncés, là, « Ah, mon iPod, il est jammé! » Puis là, tu le regardes dans les yeux, tu tiens le bouton, puis tu fais « Non, il est pas jammé, parce que toi, tu as tenu les boutons assez longtemps pour qu'il reboot, tu y redonnes, puis il fait comme « Hein? Hein? Ah, oh, merci beaucoup, je veux vous faire un enfant! » Puis... Il était barouette, hein? J'ai plein de fans comme ça. Ouais. En fait, ça c'est des trucs qu'on apprend au fil des années. Donc, le secouage, mais clairement, dans ce cas-ci, ce n'est pas le problème. Bernard, est-ce que tu as réussi à trouver? Non, je sais. Ah, moi, que j'essaie de voir, non, j'ai pas ma... Ton historique? Ah, peut-être. Si je reculais dans mon historique... Tu as longtemps? C'est ce que tu... Ah! DR. OK, la commande, la voici. Je vais la taper sur le chat. DR. Mets-la comme texte sur notre... Tu l'as trouvé où, en fait? Y a-tu un site web? C'est-tu un site web? Oui, mais je ne me souviens pas où est-ce que j'ai trouvé cette commande-là. Okay. DR util tray eject. Ah oui! Ça force une espèce d'éjection. Ça lui dit, OK, remets-toi en mode normal. Ah! Puis, okay. Quand j'ai tapé ça dans la fenêtre de terminal, après, j'ai remis mon DVD, puis c'était comme normal. Parce que j'étais sur le bord de dire, hey, faut-tu falloir que je retourne mon iMac au Genius Bar? Ça ne m'intéressait pas trop pour un problème de DVD, là. Okay. Drutil Tree Eject. Excellent. Donc, on va regarder ça. On a une autre question? Oui, on va la mettre ici. Oui, c'est ça. Question en stand-by ici. Question nettoyage Mac. J'ai désinstallé Parallel Desktop manuellement. Je suis un nouveau Mac user. Maintenant, on n'a pas le reste de la question. Oui, more. Maintenant, Parallel Desktop ne fonctionne plus. Évidemment, si on l'a désinstallé. Mais j'ai encore plein d'icônes Windows. Comment corriger ça? Ça m'est arrivé beaucoup. Moi aussi, ça m'est arrivé. Puis, j'ai pas pu répondre à la question à part faire un... Puis, c'était pas mon dernier recours, mais j'étais juste un peu paresseux. Là, puis, je l'ai reparti mon système à zéro, mais à part le formatage du disque dur, puis repartir à zéro. Là. Moi, j'ai l'impression d'abord que tu peux en enlever une grosse partie en tapant dans... dans Spotlight, si tu tapes parallèle, tu vas trouver une grosse partie des fichiers qui sont restants. Mais, tu les sélectionnes puis tu les sacs dedans. Il y a dans la section, comment ça s'appelle donc? Dans le Launchpad, moi j'ai eu beaucoup de problèmes parce que des applications qui étaient enlevées de justement Parallel Desktop. On va dire Internet Explorer qui était encore dans le Launchpad, qui le reconnaissait comme une application, mais qui était supprimée du Mac. Puis c'était pas Jeff, mais qu'on pouvait pas enlever, on pouvait pas la draguer hors, on pouvait rien faire. On était stocké avec ça aussi. Mais est-ce que le monsieur a utilisé le désinstallateur de parallèle? Non, il l'a enlevé manuellement, c'est ce qu'il a dit. Ah, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire, puisqu'il y a un désinstallateur avec parallèle qui vient dans le fichier .dmg de l'application. Fait que moi, ce que je suggérerais... C'est probablement pas un DMG. Habituellement, les applications qu'on peut avoir un désinstallateur, ce sont des applications « package ». Donc, le PKG ou le MPKG, c'est une application qui va propulser l'installation un petit peu partout dans le système, aller installer dans les préférences, dans le dossier librairie, ça et là. Il y a plusieurs choses à installer avec Parallèle. Donc, il y a un désinstallateur parce que c'est le désinstallateur qui sait où est-ce que tous les fichiers ont été mis puis qui va aller les effacer. Puis avec Xcode aussi, il y a la nouvelle version qui a, c'est un point app, mais je crois qu'on ne peut pas juste la draguer parce qu'il installe un simulateur iOS, il installe instruments, il installe plein d'affaires, puis c'est pas dans ce package-là. Donc, je pense qu'il y a aussi un désinstallateur pour Xcode. Puis Xcode ben, vient maintenant en DMG, point app. Là. Ça dépend où vous allez chercher, là, si c'est le développeur ou si c'est par Mac App Store. Là, mais, ouais. Qu'est-ce que tu as posté, Bernard, dans le chat? C'est 14 recettes pour éjecter un CD qui est jammé. Et la commande des R utiles... 14! okay, attends. 14 recettes pour éjecter un CD. Moi, je veux que Dean prenne prennent le lien, OK? Il nous fait des vidéos de ça et on sort un iBook Author de les 14 recettes par l'équipe des amateurs de Mac Bonsoir de comment éjecter un CD d'un Mac. Ça serait malade. Commence par taper ton site, là, puis ensuite on verra ce que les autres projets que tu veux faire à taper du texte. C'est pour ça que je suis gratis comme producteur de contenu. C'est parce que tu vas vouloir un pourcentage après, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dean, t'as-tu compris, là? Mais bref, la commande DR utile tray, t'as trois actions que tu peux faire. C'est open, close et eject. Donc, essayez les trois. Voilà. Puis il y en a une qui va marcher, c'est sûr. Excellent. On a une autre question ou je pense que Jeff, tu voulais rajouter quelque chose? Non. OK, excellent. Bon. 11h30. Il y a une autre question. Existe-t-il un logiciel comme Celtics, j'imagine qu'on le prononce, qui aide la création de scénarios de romans? Le Word pour Mac est aussi que sur Windows, le logiciel page pour l'interrogation. Pour les scénarios de films, il existe, la référence c'est Final Draft, qui est un logiciel pour faire des scénarios autant d'émissions de télé que des films. Ouais. C'est des logiciels qui sont un petit peu spéciaux dans le sens où, en fait, ça vous permet de créer parce que c'est un style d'écriture qui est très, très spécial, l'écriture de scénario. Donc, vous avez en fait les places, les endroits. Il y a un terme spécial, d'ailleurs, dans le monde de la scénarisation pour ça. Vous avez les acteurs, les personnages. Et là, vous pouvez toutes les définir dans des... comme pas dans des macros, mais dans des trucs qui vous permettent de les rappeler facilement. Donc, vous n'êtes pas obligé de taper tout le temps un tel dit à un tel dit à un tel. Et effectivement, la référence, c'est Final Draft, et je dirais même plus Final Draft en version anglaise, parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est un logiciel un peu capricieux. Puis si vous partagez, si vous travaillez avec des gens qui ont une version... mettons que vous avez la version française et que vous envoyez le document à quelqu'un qui a une version anglaise, il risque d'avoir un paquet de problèmes là-dedans. Donc, le standard, ils en ont une version française, mais à peu près personne qui l'achète parce que ça cause des problèmes. Vous allez avoir beaucoup de réponses en écrivant script writing dans Google. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de liens sur des recettes, des logiciels, etc. Effectivement, Celtics en est un. Il est open source, si je ne me trompe pas, ou du moins, il est gratuit. Oui. Oui, tout à fait. Donc, assez intéressant. quand même. Donc, bientôt chez vous, le film issu du livre, Les 14 recettes pour éjecter un CD d'un Mac en film. Ah, j'ai vu. À l'aide de Celtics. Juste une petite parenthèse, quand on parlait de disque dur tantôt, puis de mettre ça dans un ordinateur, j'ai vu qu'il y avait une recette pour un iMac 27 pouces qu'on pouvait rajouter un SSD sans sacrifier son lecteur DVD. Donc, on peut, il y a assez d'espace en ouvrant le iMac pour rajouter un SSD. Oui, iFixit fait le kit. Exact. Donc, pas mal. Je viens d'afficher une autre question à l'écran. Oui. Dans le même genre de question que tantôt, j'ai installé un dual boot, puis j'ai oublié le nom. Je ne me sers jamais de ma partition Windows. Comment la supprimer? Do you know it? Oui. J'ai lu là-dessus parce que j'avais un problème de disque récemment et ça fait partie de la solution. Il y a un logiciel qui s'appelle iPartition qu'on peut acheter. Okay. Mais on a le merveilleux utilitaire de disque. Oui, c'est ça que j'allais dire. L'utilitaire de disque, il va te permettre d'enlever une partition. C'est moins compliqué, c'est moins dangereux que d'en rajouter une. OK. Donc, la recette officielle pour enlever une partition Bootcamp, c'est de retourner dans Bootcamp et de lui dire qu'on veut récupérer cette partition de Bootcamp-là. C'est l'assistant, le logiciel assistant Bootcamp qu'on va prendre, qu'on va activer et on va lui dire, je veux enlever, retirer ma partition Bootcamp et c'est lui qui va le faire. C'est ce qui est le plus sécuritaire à faire. Donc, à moins que vous ayez un accès au bêta de Diablo 3 ou que vous soyez un fan de Star Wars pour jouer à The Old Republic ou que vous ayez besoin de simples comptables, il n'y a comme pas vraiment de raison d'avoir cette partition-là. Tu peux installer et essayer la version Consumer Preview de Windows 8 qui serait assez pratique aussi. Là. Ben moi, à ce moment-là, je prendrais VirtualBox qui est gratuit puis je me ferais... un truc en virtualisation pour essayer Windows 8. En virtualisation, je ne sais pas si ça donne toutes les mêmes performances que... Ben, apparemment, je ne sais pas si c'est sur Lifehacker qui donnait la recette. Ça dépend en fait, c'est quelle performance pour quelle application tu recherches. On en a déjà parlé. Puis si tu veux vraiment essayer comme si c'était une vraie machine Windows, utilise-la comme une partition complète au lieu de juste une virtualisation. Mm-hmm. Voilà. Écoutez, messieurs, je pense que ça fait 1h30 bientôt, un peu plus. 1h10. 1h10 quand même. Ouais. On est généreux de notre savoir, mais il y a quand même le dodo qui nous appelle. Il y en a certains d'entre nous qui travaillent demain ou qui vont aller faire la manifestation étudiante. Lâche-moi avec ça. non, ah ouais, va manifester. Je suis jeune et pragmatique. Ah ouais, c'est ça, mais... Si t'es pragmatique, là, 3 800 $ dans 5 ans. Là. Ah ouais, va-t'en dans la rue. Là, pis... Va retourner des chars dans la rue. Là. Ouais, ouais. C'est ça. Va chercher celui de Claude Legault. Je vais aller crever des pneus. Ouais, je voulais te dire, d'ailleurs, je viens d'une société où j'ai appris que je peux aller me chercher. D'ailleurs, j'attends que le Canadien gagne la Coupe Stanley pour aller me chercher une console pour améliorer un petit peu le setup du podcast. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Là. Je suis né dans une société où on m'a appris que, c'est ça. Là. Quand l'équipe de hockey gagne, tu peux briser des vitrines. Bon. Ou exploiter ses co-producers dans les podcasts. Bon, ça y est. Ça y est. Non, rien. Bon, tu exploites ta star. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. On en parlera après le show. Ça, c'est la face que je vais avoir demain sur le cover du Journal de Montréal avec le gros titre, là, un co-animateur de podcast exploite ses co-animateurs. Disparu le soir chez lui. Bon. Voilà. Je pense qu'il est assez tard. Ouais, on s'arrête. Voilà. Ça nous a fait bien plaisir de répondre à vos questions. Évidemment, on aurait voulu vous remettre des codes promotionnels pour des applications pour ceux qui nous ont posé des questions ce soir. On vous remercie beaucoup. Et ça commence à être l'habitude de la maison d'offrir des codes promo. On comprendra bien qu'avec l'organisation, en fait, de l'événement d'hier, avec le temps qu'on y a mis, là, ça fait quoi, là, 2h31 plus 4h. Écoutez, juste en diffusion, on a 6 heures de matériel. Ouais, en deux jours. En deux jours. Donc, cette semaine, on n'a pas vraiment eu le temps d'approcher les compagnies pour ça. J'ai un code promo pour une application qui s'appelle Zombies Run. Je veux en parler parce que je la trouve très drôle. Je l'ai mentionné pendant l'événement hier, mais on va se la garder pour la tester. C'est une application qui rajoute un calque de jeu à une activité physique. Et l'activité physique, c'est de courir. Donc, le calque de jeu, c'est de te mettre dans la peau, grâce à ton iPhone, d'un runner, un gars qui va sortir du bunker anti-zombie dans lequel vous habitez pour aller courir, aller chercher des vivres, du matériel pour les gens qui sont dans le bunker. Donc, vous sortez dehors pour faire de l'exercice et là, ils vont vous dire « cours dans telle direction ». Là, tu cours dans telle direction, puis arriver à tel endroit géographique ou après tant de mètres ou de kilomètres, mais là, ils te disent « bravo, tu as ramassé telle affaire », puis tu fais des points comme ça. Je trouve ça très, très original comme application. Je l'ai envoyé. Je pense que je vais l'offrir à Frank de Tank, qui va devenir comme super buff parce qu'il va faire, avec le Z-Unit, il va faire des quests anti-zombies là-dedans. Fait que ça risque d'être très drôle. Voilà. Messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets? Moi, on peut me retrouver sur Twitter au GF3-1979, sur Facebook aussi. J'ai ma page Facebook que je vais de temps en temps. Puis sur Google Plus, que j'y vais encore plus de temps en temps, moins de temps en temps. Fait que... Excellent. Vincent, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me trouver sur Twitter à @devvmiller, sur mon site web vmiller.ca. Comme j'ai dit dans l'autre show, je suis développeur d'applications, donc vous pouvez me contacter si vous avez une idée d'application iPhone, iPad. De ce temps-ci, je suis pas mal occupé. Là. Comme j'ai dit tantôt, il y a bien du monde qui m'a contacté, donc je suis sur beaucoup de projets en même temps, là, mais vous perdez rien à me contacter quand même, donc allez-y. Surtout que si c'est payant. Effectivement, j'ai beaucoup de contrats en ce moment, fait que je suis occupé, mais c'est le fun, fait que j'aime ça. Monter des podcasts, c'est tellement pas... ouais, non, c'est ça. Ça prend du temps. C'est tellement mais pas payant. Voilà. Moi, on peut me retrouver sur Terminal en train de taper « DR utile open tree ». Non, on peut me retrouver sérieusement sur Twitter, @cybernard, également sur Facebook, facebook.com/cybernard. Et bon, à peu près toutes les plateformes, cybernard en majuscule, N-A-R-D en minuscule, c'est moi. Faites une recherche sur Google, vous allez voir. Faites un petit telnet à Bernard, ouais. Il est souvent là-dessus. Pour ma part, on peut me retrouver sur Alex sur Twitter, au Alex Cornelier. A-L-E-X-C-O-R-N-E-L-L-I-E-R. Et oui, aussi sur Mac Québec, parce que ce show est une grosse info-publicité, évidemment, pour les services de Vincent, mais aussi mes services, c'est-à-dire les services de Mac Québec. Donc, un technicien, un consultant ou un formateur à domicile qui peuvent venir passer quelques heures avec vous pour réparer votre réseau Wi-Fi ou régler les problèmes que vous avez ou encore vous montrer comment bien utiliser Google Calendar à travers iCal, par exemple. Donc, ça nous a fait très plaisir de passer la soirée avec vous. La semaine prochaine, on va être... On va avoir un petit temps de repos, c'est-à-dire qu'on va avoir un seul show. Ça va être les amateurs de Mac Bonsoir qui vont revenir dès 22h jeudi prochain. Ouais. En attendant, venez poser vos questions sur Mac Québec Entraide, le forum de Mac Québec ou sur Twitter. On est tout le temps là. J'ai comme l'impression que la productivité de cette province-là ou de ce monde-là descendu depuis Twitter. Tout le monde est là tout le temps, puis tu tapes quelque chose, ça répond là... Bernard, je pense que c'est celui qui répond le plus vite. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Fonctionnaire, toi, hein? Fonctionnaire? Non, non. Non, pas du tout. OK. C'est bon. Non, non, là, je suis occupé d'ici jusqu'à la fin du mois de mars parce qu'après, j'ai une sabbatique de 6 mois. Là. Il faut mettre les bouchées doubles, donc... Oh, shit! Il y a quelqu'un qui vient d'écrire quelque chose de tellement vrai dans le chat. Il n'y a pas de show jeudi. Ah oui, oui, oui. On va s'arranger pour faire un show live en direct de la ligne. C'est vendredi, le 16 prochain? C'est vendredi 16, fait que jeudi prochain, on est en ligne pour attendre. On va essayer de s'arranger, d'avoir de la connectivité. Qu'est-ce que je pourrais faire? On a le réseau d'Apple. On va essayer d'aller chercher peut-être un petit peu mieux. Le réseau d'Apple, je ne sais pas s'il ferme pendant la nuit. Juste en face, il y a les trois brasseurs. On va aller se hacker une connexion île sans fil du truc. On espère que la température va être belle, mais on va essayer de podcaster live. Tu mets une grosse antenne là, qui capte 1 km ou 10 km, puis tu la mets sur le toit. Ouais. On fait jamais ça, hein, podcast live. C'est tout le temps live, mais de dehors. De dehors, on ne l'a jamais fait. On va le faire la semaine prochaine, Alexis. À Québec, c'était quoi? C'était à l'extérieur? Qu'est-ce que vous aviez fait? Non, on était super bien. On était dans le boot au WAC à Québec. On était dans le boot d'information du 400 Espace Bell. OK, vous voulez dire extérieur, vraiment dehors? On va attendre en ligne. Là. C'est pour les chochottes comme Dean là, d'attendre à Sainte-Foy puis se faire offrir. Il y avait faire quoi? Des beignes puis. Bip! L'année passée, on avait des photos qui provenaient de Sainte-Foy. Nous autres, ils nous donnaient des bouteilles d'eau. On était à l'extérieur, on attendait, ils nous donnaient des bouteilles d'eau pendant qu'à Québec, ils étaient en train de leur offrir du Starbucks puis je sais pas quoi. C'était comme vraiment chien. Quand c'était pour iPhone, il pleuvait. Ils donnaient des parapluies. Ils ont donné des parapluies. Je sais pas si tu te souviens, mais la marque de parapluie commençait par I. C'était I quelque chose. Ça n'a pas rapport, là, mais tu sais, les produits iMac, iPod, tout ça. Je vais pouvoir te dire ça. Je l'ai à quelque part. Je sais pas si c'est tu lui. Le mien, je l'ai donné à Carl Charret. Je le lis à quelque part. En tout cas, on en parlera après avec. On en parlera la semaine prochaine ou en live là-bas. Là. Voilà. Puis on verra si Frank the Tank va venir, mais c'est un gars qui est très occupé, fait que ça m'étonnerait, mais il va peut-être avoir d'autres choses à parler bientôt. Peut-être quelque chose qui s'en vient. Et je préfère ne pas en dire plus parce que j'ai tendance à ce que mes projets foirent, mais vous allez voir. Fait qu'on vous souhaite une bonne fin de soirée, puis on se revoit la semaine prochaine en direct de St. Catherine Street. Oh oui, pour les vrais. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye.